إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى il va maintenant passer à la réponse à la troisième question que lui a posée Abul Qasim rahimahullah, qu'il a interrogé au sujet des meilleurs moyens de subsistance, les meilleurs moyens de gagner sa vie, les meilleurs gains et les meilleurs profits. Et c'est une question à laquelle beaucoup d'entre nous souhaiteraient connaître la réponse. Et il se peut que si l'on pose la question à beaucoup d'entre nous, ils vont répondre par des réponses diverses et variées. Par exemple, on va prendre un frère au hasard. Si je te demande à toi, quel est le meilleur des gains, le meilleur moyen de subsistance, qu'est-ce que tu répondrais ? Mashallah, il a donné une réponse déjà générale et profitable. Et toi, tu répondrais quoi ? Non, faut pas copier. Je l'ai déjà dit. Un métier, quelque chose, ce serait quoi pour toi le meilleur métier ? Travailler dans une mektaba, mashallah. Et toi, tu répondrais quoi ? Ouais. Non, un travail, on parle. On parle pas de la da'wa, là. Ah. Da'wa, c'est pas un travail. Une adoration. Meilleur moyen d'obtenir sa subsistance. Hein? Les métiers des prophètes, alayhi mussalat wa salam. Tu vas être berger, alors. Inch'Allah. Le commerçant. Allahumma barik. Le tijara, donc. Le commerce. Naam. C'est une cause, bien sûr, d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. C'est une cause d'obtenir sa subsistance. Mais la première chose qui vient en tête quand on parle de ça, on pense à des métiers. On va penser au commerce, au marché, etc. Et écoutez, vous allez voir, vous allez découvrir la réponse de Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Et vous allez comprendre pourquoi les savants l'ont appelé Cheikh l'Islam, le Cheikh de l'Islam. Pourquoi c'est un imam. Vous allez voir à travers sa réponse pourquoi ce Cheikh, rahimahullah ta'ala, a été qualifié de grand imam des musulmans. Il dit, rahimahullah, quant au meilleur des gains, le meilleur des profits, le meilleur moyen de subsistance, de subvenir à ce besoin, c'est de placer sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la réponse d'un imam qui porte le bon conseil aux musulmans. Il leur informe que le meilleur moyen d'obtenir leur subsistance, c'est quoi ? C'est de placer leur confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci nous montre donc la grande science de ce cheikh, rahimahullah ta'ala. Car quel que soit le métier que la personne choisira, elle aura besoin de quoi ? De placer sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'il choisisse le commerce, l'agriculture, ou autre chose parmi les métiers, il aura besoin de quoi ? De placer sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans toutes ses affaires, qu'elles soient mondaines ou religieuses, il a besoin de quoi ? De tawakkul ala Allah. Donc il dit le meilleur des gains, le meilleur des profits, c'est de placer sa confiance en Allah. Ensuite, il dit وَثِقَتُ بِكِفَايَتِهِ et d'avoir la ferme conviction, la confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la certitude que quoi ? Il te suffit. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا Allah ne suffit-il pas à son serviteur ? Et dans l'autre verset وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَزْبُ celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Donc il place sa confiance en Allah. Il a la certitude, la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit, il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la confiance, elle doit être en qui ? Seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas comme certaines personnes, on les entend dire aujourd'hui, parmi les erreurs de langage qui sont propagées, le fait de dire « j'ai confiance en moi ». Fais ce travail, aie confiance en toi, tu vas y arriver. Comment ça, aie confiance en toi ? Tu ne diriges rien, tu ne contrôles rien. Toi, tu fais juste les sababs. Tu dois placer ta confiance en qui ? Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'invocation bien connue que l'on fait parmi les invocations du matin et du soir, qu'est-ce qu'il y a ? وَلَا تَكِلْنِ إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ et ne m'en remets pas à ma propre personne juste le temps de quoi ? D'un clignement d'œil. Car la personne, si elle s'en remet à elle-même, elle n'est plus rien sans Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux rien faire sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. On demande à Allah de ne pas nous livrer à nous-mêmes. De ne pas nous abandonner à nous-mêmes. Et lui, il vient, il dit, il faut avoir confiance en vous. Ayez confiance en vos personnes. Comment ça? Tu as confiance en une créature faible, créée d'une goutte d'eau et qui finira poussière? C'est en Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois placer ta confiance. Quant à nous, il ne nous revient que de faire des causes, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Il dit donc, le meilleur des gains, le meilleur des profits, le meilleur des moyens d'avoir sa subsistance, c'est de placer sa confiance en Allah. D'avoir la ferme, la certitude et la confiance qu'il nous suffit. Il dit ensuite, وَحُسْنُ الظَّنِّ بِهِ. Et avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme il est venu dans le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, أَنَا عِنْدَ الظَّنِّ عَبْدِ بِهِ. Je suis tel que l'opinion que mon serviteur se fait de moi. C'est-à-dire que si tu penses du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu as une bonne opinion de lui, et que tu accomplis les causes pour obtenir ce que tu espères de lui, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va te l'accorder. Mais si tu ne crois pas en ses promesses, que tu ne fais pas confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu n'as une mauvaise opinion de lui, alors tu ne feras rien. À titre d'exemple, sur un sujet qui concerne la majorité, si ce n'est l'ensemble des personnes présentes, il y a par exemple le sujet de la hijra. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis à l'ensemble des musulmans qui émigrent d'une terre de mécréance à une terre d'islam, aisance et abondance. C'est une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à accomplir cet acte, pourquoi? Par manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et par mauvaise opinion envers leur Seigneur. Ils craignent de la situation dans laquelle ils vont se retrouver s'ils quittent le pays de mécréance dans lequel ils se trouvent. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala n'allait leur donner leur subsistance que lorsqu'ils restent dans le péché au milieu des polythéistes. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je me désavoue de tout musulman qui vit parmi les polythéistes. » Donc la personne, elle doit avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et placer sa confiance en son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite « وَذَلِكْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُهْتَمِّ بِأَمْرِ الرِّزْقِ أَنْ يَلْجَهَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَدْعُوهُ. » Il dit donc, il convient à celui qui se préoccupe de l'affaire de son risque, l'affaire de sa subsistance, comment il va gagner sa vie, de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet et de l'invoquer. C'est-à-dire qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui accorde sa subsistance. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur. C'est lui le meilleur de ceux qui accordent la subsistance, Khayr al-Raziqin. Donc la personne, elle se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et elle lui demande de lui accorder la subsistance. Il dit, rahimahullah, كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِمَا يَأْثُرُ عَنْهُ نَبِيُّهُ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلُّكُمْ جَائِعْ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُ فَاسْتَطْعِمُونِ أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارْ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُ فَاسْتَكْسُونِ أَكْسُكُمْ. Donc il dit, comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans ce qui est rapporté par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans le hadith Al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, oh mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que j'ai nourri. C'est-à-dire que celui qu'Allah ne nourrit pas, ne peut pas obtenir de nourriture. Et toute personne, toute créature qui vit sur terre et qui obtient sa nourriture, elle provient de qui? Elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans aucun associé. Il dit, demandez-moi donc de vous nourrir et je vous nourrirai. Invoquez-moi pour que je vous nourrisse et je vous nourrirai. Demandez-moi votre subsistance et je vous l'accorderai. Oh mes serviteurs, vous êtes tous dénudés. Vous n'avez pas de vêtements. Les vêtements que l'on porte, c'est qui nous les a accordés? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf celui que j'ai vêtu. Demandez-moi donc de vous vêtir et je vous vêtirai. Donc le serviteur, dans la recherche de sa subsistance, il doit accorder une grande importance à cela. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَفِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِي رَحِمَهُ اللَّهُ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. Il dit dans le hadith rapporté par Al-Tirmidhi, d'après Anas رضي الله تعالى عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que l'un d'entre vous demande à son Seigneur l'ensemble de ses besoins. Toute chose dont tu as besoin, tu la demandes à qui? Tu la demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit même, c'est là, il se défend, n'invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, car si Allah ne lui facilite pas, cela ne lui sera pas facilité. C'est là, s'il se défend, si Allah ne lui facilite pas pour renouer ses chaussures, cela ne lui sera pas facilité. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, toute chose dont vous avez besoin, vous la demandez à qui? Vous la demandez à Allah, subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes dit dans son noble livre, et demandez à Allah de sa grâce. Demandez à Allah de sa grâce, que ce soit de sa grâce religieuse ou de sa grâce mondaine. Au niveau de ta religion, lorsque tu cherches à t'améliorer en termes de religion, en termes de piété, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider. Et également, lorsque tu recherches les biens de ce bas monde, parmi les subsistances, tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Une fois que la prière est terminée, dispersez-vous sur terre et recherchez de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit à travers ces versets que Cheikh al-Islam a cité rahimahullah ta'ala qu'il a attiré notre attention sur une chose. Il ne les a pas mentionnés dans cet ordre sans aucun intérêt. Au contraire, il a recherché à nous indiquer une chose très importante qui est quoi? Il a commencé médite sur le premier verset. Il dit et demandez à Allah de sa grâce. Donc ici c'est la demande, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le deuxième verset, lorsque la prière est terminée, dispersez-vous sur terre et recherchez la grâce d'Allah. Ici c'est quoi? Faire l'al-abd, les œuvres du serviteur. Il les recherche, il va faire les causes. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il va faire les causes. Il ne reste pas à attendre que cela vienne, mais il fait des causes pour obtenir cette subsistance. Mais avant tout cela, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'en remet pas à ses causes. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décidera si ses causes, elles réussiront ou non. Et comme vous le connaissez tous, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un exemple très clair à ce sujet. Il a dit, si vous placiez réellement votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il accorde la subsistance aux oiseaux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il sort le matin affamé. C'est-à-dire il sort de son nid. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voler. Il fait des causes. Il recherche sa subsistance. Et le soir il revient comment dans son nid? Rassasié. Il a mangé. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné sa subsistance. Et il n'y a aucune créature dans les cieux et sur la terre sans que sa subsistance... elle n'incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh al-Islam, rahimahullah, en nous mentionnant ces versets, il nous rappelle cette chose importante. Tu commences par demander à Allah subhanahu wa ta'ala de sa grâce, mais aussi tu fais des causes pour obtenir cette grâce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِي الْجُمْعَةِ فَمَعْنَاهُ قَائِمٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ. Il dit ceci, c'est-à-dire le verset de Surat al-Jum'a, même si elle concerne la prière de Jum'a, cela est valable pour l'ensemble des prières. C'est-à-dire, une fois que tu sors de la prière, tu recherches la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais des causes pour rechercher ta subsistance, pour rechercher les choses qui te sont profitables, ici-bas et dans l'au-delà. وَلِهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَلَّذِي يَدْخُلُ الْمَسْجِدِ أَنْ يَقُولُ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكِ وَإِذَا خَرَجَ أَنْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكِ. Il dit, c'est pour cela. Et Allah est plus savant s'il nous informe de la sagesse d'une législation. Donc il remet cette science à Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense avoir compris cette sagesse, mais il remet quand même la science à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et c'est pour cela, et Allah est plus savant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui entre dans la mosquée de dire quoi? Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Pourquoi? Il va pour prier. Et lorsqu'il prie, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis quand il sort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné de dire quoi? Oh Allah, je te demande de ta grâce. C'est-à-dire qu'il part faire des causes, rechercher de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَقَدْ قَالَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ, c'est-à-dire Ibrahim, فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ. Et recherchez auprès d'Allah la subsistance, adorez-le et soyez reconnaissant envers lui. وَهَذَا أَمْرُ وَالْأَمْرُ يَقْتَدِ الْإِجَابِ. Médite sur cette phrase. Il dit, rahimahullah, et ceci est un ordre. Allah, il a dit, فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ. Et recherchez auprès d'Allah la subsistance. Et l'ordre, qu'est-ce qu'il implique? Il implique l'obligation, le fait de rechercher la subsistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلِسْتِعَانَةُ بِاللَّهِ وَاللُّجُوءِ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ الرِّزْقِ وَغَيْرِهِ أَصْلٌ عَظِيمٌ. Il dit donc le fait de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'en revenir à lui au sujet de la subsistance, c'est un fondement immense parmi les fondements de cette religion. Donc ça, avant de répondre à la question du questionnaire, c'est le premier point sur lequel il a attiré son attention. Avant de lui répondre au sujet des meilleurs gains, des meilleurs profits, il a attiré son attention sur quoi? Qu'il est indispensable, quel que soit le métier qu'il choisira, qu'il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il attire son attention sur un autre point et il dit ثُمَّ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالِ بِسَخَاوَةِ النَّفْسٍ لِيُبَارِكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَأْخُذْهُ بِإِشْرَافٍ وَهَلَعٍ. Il dit ensuite, il convient. En réalité, le Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, ici, il a repris les termes d'un hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit مَنْ أَخَذَهُ يَعْنِ الْمَالِ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارِكَ لَهُ فِيهِ. Celui qui prend l'argent, بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ, Allah subhanahu wa ta'ala lui bénit. Et celui qui le prend, بِإِشْرَافِ نَفْسٍ, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui bénit pas. Et les savants, ils ont donné deux explications à ces termes, سَخَاوَةِ نَفْس وَإِشْرَافِ نَفْس. La première explication, elle concerne celui qui reçoit l'argent. بِسَخَاوَةِ نَفْس, c'est-à-dire qu'il le prend sans le demander. L'argent lui est venu. Il ne l'a pas réclamé, il n'a pas mendié. S'il ne l'a pas quémandé, il ne l'a pas mendié, Allah, il va lui bénir cet argent. Une subsistance lui est venue à lui, il l'a prise, alhamdulillah, il en profite, Allah va lui bénir. Mais s'il l'a quémandé, qu'il l'a mendié, qu'il l'a demandé sans nécessité, qu'il l'a recherché, qu'il était avide d'avoir cet argent, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui bénira pas cet argent. Le deuxième sens qu'ils ont donné, il concerne celui qui va donner l'argent. C'est-à-dire, bisakhawati nafs, qu'il l'a donné avec générosité, de son plein gré, volontairement. Si tel est le cas, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va bénir cet argent qu'il a donné. Et quand il dit, et celui qui le prend, bi-isharaf nafsin, lam yubarik lahoufi, celui qui le donne, s'il ne le donne pas de son plein gré, il le donne à contre-cœur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mettra pas de baraka dans cet argent. Donc, Cheikh l'Islam, rahimahullah, il attire notre attention sur ce sens. C'est-à-dire que tu prennes l'argent sans le quémander, sans le solliciter et sans avidité, sans être avide de cet argent. Avoir beaucoup d'avidité, vouloir ramasser cet argent. Il dit dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le bénir. Il décrit ensuite le comportement que doit avoir le serviteur. Il dit, بَلْ يَكُونُ الْمَالُ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْخَلَاءِ. Il dit, mais l'argent pour lui, il est comparable à quoi? Aux toilettes. Il a donné l'exemple le plus méprisable. Les toilettes. Et dans d'autres de ses livres, il compare l'argent à quoi? À un âne. Comme un âne. Il dit, un âne, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'en as pas besoin, tu n'as pas besoin de monter dessus pour le prendre comme monture, tu ne vas pas monter dessus, tu vas le délaisser. Et ici, il le compare encore plus méprisable. Il dit quoi? C'est comme les toilettes. Les toilettes, tu en as besoin en cas de nécessité. Tu y vas quand tu as besoin et tu n'y accordes aucune importance. Ce n'est pas une chose à laquelle tu vas accorder de l'importance. Il dit, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il doit en être de même en ce qui concerne l'argent. C'est cette place que l'argent est là, il doit avoir dans ton cœur. Il dit, الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكان. Dis, les toilettes, tu en as besoin, mais ça n'a aucune importance dans ton cœur. Ton cœur, il n'est pas attaché à cette chose-là. Tu l'as fait parce que tu n'as pas le choix. Il dit, l'argent, c'est pareil, il doit avoir la même place dans ton cœur. Tu le prends parce que tu n'as pas le choix. Tu dois subvenir à tes besoins, tu prends cet argent. Mais il n'a aucune importance dans ton cœur. Il dit, les efforts qu'il fait pour obtenir l'argent, ça doit être les mêmes efforts qu'il fait quand il a besoin d'accomplir ses besoins. Il ne doit pas y consacrer tout son temps. Il ne doit pas y consacrer toute sa vie. Et, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il va ensuite approfondir ce sens. Il dit, وَفِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَغَيْرُهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ أَصْبَحَ وَالدُّنْيَا أَكْبَرُ هَمِّهِ شَتَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَلَمْ يَتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ أَصْبَحَ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمِّهِ جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est rapporté par Tirmidhi rahimahullah et d'autres, celui qui se lève le matin et dont la plus grande préoccupation c'est ce bas monde. La chose dont il se soucie le plus c'est ce bas monde. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va disperser ses efforts, il va disperser ce qu'il réunit. Et il va diviser ce dont il a besoin. L'argent qu'il a recherché, qu'il a amassé, qu'il court après lequel il court, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le disperser, le diviser. وَلَمْ يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Il n'aura de ce bas monde que ce qui lui a été prescrit. Lui s'en préoccupe, mais le fait qu'il y accorde autant d'importance, cela ne va pas être la cause qu'il en obtienne plus. Au contraire, il aura l'impression d'être pauvre tout le temps, car il ne se soucie que des biens de ce bas monde. Et plus il en aura, plus il en voudra. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'éprouver par cela, et malgré cela, il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah lui a écrit, pas plus. Il dit ensuite, « Et celui qui se lève, et dont l'au-delà est la plus grande préoccupation, il pense à son au-delà, ce qui va lui arriver après la mort. » Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va réunir pour lui, il va mettre la richesse dans son cœur. C'est-à-dire que même s'il a peu, il sera satisfait. Donc il aura la richesse dans son cœur, la richesse de l'âme. Et la dunya lui viendra, wa hiya rarima. Elle sera contrainte. Les biens de ce bas monde, ils vont lui venir coûte que coûte. Comme il est venu dans un hadith, votre subsistance, si vous la fuyez de la même manière que vous fuyez la mort, elle vous viendra. Toute personne a peur de mourir, toute personne a peur de la mort. On ne sait pas quand elle viendra, et elle viendra quoi qu'il en soit. De la même manière ta subsistance. Tu peux la fuir et en avoir peur autant que la mort, elle viendra quand même. Tu auras ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit comme subsistance. Et dans une invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné de dire « Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. » Oh Allah, ne fais pas de ce bas monde la plus grande de nos préoccupations. Et médite sur le terme qu'il a employé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit « Ne fais pas que l'on ne se préoccupe pas de ce bas monde. » Mais fait que ça ne soit pas notre plus grande préoccupation. Car qu'il le veuille ou non, l'homme, il est obligé de se préoccuper un minimum de ce bas monde, pour subvenir à ses besoins. Et c'est cela l'accomplissement des causes. C'est celui qui lui incombe. Mais cela ne doit pas être la chose la plus importante de laquelle il se préoccupe. Il dit ensuite, وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنْتَ إِلَى نَصِيبِكَ مِنَ الْآخِرَةِ أَحْوَجٌ. Certains salafs, ils ont dit, tu as besoin de ce bas monde. Tu as besoin des choses dans ce bas monde, mais tu as encore plus besoin de ta part de l'au-delà. Tu as encore plus besoin, c'est ça la priorité. C'est ça la priorité du musulman. Il dit ensuite, فَإِنْ بَدَأْتَ بِنَصِيبِكَ مِنَ الْآخِرَةِ مُرَّ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا فَانْتَظِمْهُ انْتِظَامًا. Il dit, si tu commences toi par ta part de l'au-delà, que tu en fais ta plus grande préoccupation, alors tu vas passer sur ta part de ce bas monde. Et tu vas l'organiser rapidement. Ça ne va pas être une grande préoccupation pour toi. Mais tu vas commencer par la chose qui est la plus importante, qui est le fait d'accomplir les causes qui mènent au paradis dans l'au-delà. Et tu ne vas pas faire de ce bas monde une préoccupation. Tu vas être comme un voyageur. Tu passes dans ce bas monde, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, d'être dans ce bas monde comme un voyageur ou un étranger. Tu sais que tu n'es que de passage. Le voyageur, quand il passe dans une ville, est-ce qu'il achète des meubles? Est-ce qu'il achète un frigo ou des choses comme ça? Il passe juste. Qu'est-ce qu'il achète? Juste de quoi? Ne pas avoir faim jusqu'à son arrivée. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple du voyageur. Tu dois être dans ce bas monde de la même manière que le voyageur. Tu en prends que ce que tu as besoin pour continuer le chemin vers quoi? Vers Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre la demeure des délices qui est le paradis. Ensuite, il dit... قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent ou qu'ils me donnent une subsistance. Certes, c'est Allah al-Razzaq, le grand pourvoyeur de la subsistance, le détenteur de la force inébranlable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous informe de la raison de notre présence dans ce bas monde. Qui est quoi? L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de l'unifier dans l'adoration. Et Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala, il mentionne ici ce verset après nous avoir rappelé l'importance de se préoccuper de l'au-delà et de ne pas se préoccuper de ce bas monde. Il était donc très important qu'il nous rappelle ce verset afin de nous rappeler la cause de notre présence dans ce bas monde. Qui est quoi? L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas dans ce bas monde pour accumuler les richesses, pour empocher de l'argent, acheter des bâtiments, des voitures, des terrains et autres, mais tu es dans ce bas monde pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Sois donc dans ce bas monde comme un voyageur. Ne prends que ce qui est nécessaire et soucie-toi de ton au-delà et de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cher l'Islam, rahimahullah, avant de répondre à la question d'Abul Qasim, il lui a fait ces deux rappels. L'importance du tawakkul et l'importance que ce bas monde n'en se préoccupe pas et qu'il ne prenne que ce dont il a besoin. Ensuite, il dit « فَأَمَّ تَعْيِينِ مَقْسَبْ عَلَى مَقْسَبٍ مِنْ صِنَاعَ وَتِجَارَ وَبِنَايَ وَحِرَاثَ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهَذَا يَخْتَلِفْ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا عَامًا » Il dit, rahimahullah, quant au fait de désigner un métier meilleur qu'un autre métier. Après, il mentionne plusieurs exemples, la construction, le commerce, l'agriculture ou autres métiers. Il dit, cela diverge selon la différence des personnes. Chaque personne a des talents dans des choses, chaque personne a des facilités dans des choses, et ainsi de suite. Il dit, je ne connais pas à ce sujet une chose générale. Il n'y a pas un métier qui convient à tout le monde. Chacun a un métier qui lui convient et qui est plus à même d'être accompli. Ensuite, il dit, لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخير الله تعالى فيها الاستخارة المتلقى عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. Il dit cependant, si une personne a un penchant ou qu'il apparaît un métier, une orientation, alors qu'il consulte Allah subhanahu wa ta'ala, il accomplit la prière de consultation afin d'accomplir ce métier pour obtenir sa subsistance. Et il rappelle une fois de plus que cette istikhara, cela doit être celle que nous a enseigné l'enseignant du bien, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit فَإِنَّ فِيهَا مِنَ الْبَرَكَةِ مَا لَا يُحَاطُ بِهِ. Il dit, il y a dans cette prière une bénédiction que l'on ne peut pas cerner. On ne se rend pas compte de l'importance de cette prière. L'importance de faire l'istikhara afin d'être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété et qu'il nous éloigne des choses qui sont mauvaises pour nous. Ensuite, il dit ثُمَّ مَتَيَسَّرَ لَهُ فَلَا يَتَكَلَّفُ غَيْرَ. Il dit ensuite, s'il y a un métier qui lui est facilité, alors qu'il ne s'impose pas d'en chercher un autre. Il y a une chose qui lui est facilitée, il réussit à obtenir de ce bas monde ce qui lui suffit, alors qu'il ne cherche pas à accumuler, à chercher autre chose, ou à changer, à aller à droite, à gauche et se disperser. Car ce bas monde, ce n'est pas important. Ce ne doit pas être ça, sa plus grande préoccupation. Il a ce qui lui suffit. Alhamdulillah, il peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et il obtient ce qui lui suffit comme subsistance, alors cela est suffisant. Il dit ensuite, illa an yakuna minhu karahatun shar'iyya. Il dit, sauf s'il y a dans ceci une réprobation religieuse. Une personne, il a un travail, mais dans ce travail, il y a des choses illicites. Il travaille dans un endroit où on vend de l'alcool. Il travaille dans un endroit où il y a des transactions usuraires. Il travaille dans un endroit où il y a de la mixité. Alors dans ce cas-là, il doit réfléchir à trouver un autre métier, un autre travail, un autre moyen de subsistance. Donc, Shir al-Islam, rahimahullah ta'ala, il a ici répondu à la troisième question d'Abul Qasim, et il va passer à la quatrième et dernière question que l'on va voir brièvement, inshallah ta'ala. Il dit ensuite, وَأَمَّا مَتَعْتَمِدُ عَلَيْهِ مِنَ الْقُتُبِ فِي الْعُلُومِ فَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ وَهُوَ أَيْضًا يَخْتَرِفُ بِاخْتِلَافِ نَشْءِ الْإِنسَانِ فِي الْبِلَادِ. Il dit, quant à ce sur quoi tu dois te baser, quant aux livres dans les sciences, c'est-à-dire dans les sciences religieuses. Alors ceci est un domaine très vaste. En effet, les livres, ils sont très nombreux. Il dit également, cela dépend de la personne dans le pays dans lequel elle a évolué. Selon les pays, cela diffère. فَقَدْ يَتَيَسَّرُ لَهُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ مِنَ الْعِلْمِ وَمِنْ طَرِيقِهِ وَمَذْهَبِهِ فِيهِ مَا لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ فِي بَلَدٍ آخَرٍ. Il dit, il se peut qu'il lui soit facilité dans un pays une science ou une voie ou une école qui ne lui est pas facilité dans un autre pays. Pourquoi il dit ça, Cheikh l'Islam, rahimahullah? Car à l'époque, les livres, c'était des manuscrits. Les livres, ils étaient nombreux, mais ils n'étaient pas en autant d'exemplaires qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait certaines sciences qui étaient présentes dans des pays. Les gens, ils se déplaçaient dans tel pays pour apprendre telle science, dans tel pays pour apprendre telle science, et ainsi de suite. Et les livres, ils n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Les gens, lorsqu'ils voulaient un livre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils devaient le recopier à la main. Lorsqu'un savant passait par une ville, les étudiants venaient à lui et lui empruntaient les livres qu'il avait et qu'il possédait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il les recopiait. Ils recopiaient ou ils lisaient, ils cherchaient à en profiter. Le temps que le savant était dans leur ville, ils en profitaient pour recopier ses livres. Et c'est pour cela qu'ils avaient une grande ambition dans l'étude de la science. Et qu'ils donnaient une grande importance à ces livres. Et aujourd'hui, à notre époque, les livres, ils sont de partout. La personne, elle, ce qu'il mentionne, la Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, ce n'est plus présent à notre époque. Cette science-là, ces livres, ils sont présents dans tous les pays du monde. Où que la personne se trouve, au milieu de la mer, en haut d'une montagne, elle a accès à l'ensemble des livres via Internet et autres. Tous les livres, ils sont accessibles. La seule chose qui diffère, c'est que dans des pays, il y a des savants pour enseigner ces livres, et dans d'autres, il n'y en a pas. Donc, cela sera plus difficile pour les personnes qui sont dans ces pays. Et malgré la grande propagation et l'accessibilité de cette science, avec les livres, avec les moyens modernes, les cours audio, c'est récent, il faut qu'on prenne conscience de cela. Il y a 100 ans, il n'y avait pas de cours audio des savants. C'est une chose nouvelle, c'est une grande ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. On peut écouter jusqu'à aujourd'hui les cours de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Est-ce qu'on peut écouter par exemple des cours, on ne va pas remontrer très loin, juste de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, et d'autres parmi les grands savants qui sont venus avant eux. C'est quelque chose de récent. On peut écouter les cours de grands savants de la communauté, où que l'on se trouve. Tu es dans ta voiture, tu mets un cours. Il y a des gens qui ont réussi à écouter des séries de cours complètes, simplement lors de leur trajet en voiture. Tous les jours, quand il se rend au travail, il écoute une partie d'un cours et il suit. Pas il met un cours au hasard, il fait une suite de cours. Et ils ont profité beaucoup de science comme ça. Il y a des gens à leur travail, ils écoutent des cours des savants. Et ils profitent de la science ainsi. Donc c'est bien fait, il faut qu'on se rende compte. Et qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment on remercie ? En en profitant. On profite de ses bienfaits, on profite des livres qui sont propagés. On ne les laisse pas dans les bibliothèques se recouvrir de poussière. Les gens aujourd'hui, ils achètent des livres, mais la plupart des livres qui sont dans sa bibliothèque, peut-être, ils ne savent même pas de quel sujet ils traitent. Ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Alors qu'eux, à l'époque, vu qu'ils le recopiaient, le livre, ils savaient ce qu'il y avait dans le livre. Ils le connaissaient. Peut-être que même en le recopiant, certains d'entre eux, ils le mémorisaient. Ils recopiaient les livres, ils connaissaient, ils avaient la pleine connaissance de ce qu'il y avait dans ces livres. Aujourd'hui, les livres, on les achète, on les pose. Parfois, une personne, elle ne va même pas lire le sommaire. Au moins pour connaître le sujet du livre qu'elle vient d'acheter. C'est le minimum. Au moins, tu sais que si un jour tu cherches quelque chose sur cette question, tu pourras le trouver dans ce livre. Donc, il est important de faire des efforts à ce sujet. Donc, Cheikh l'Islam, rahimahullah, il dit que cela diffère selon les pays ou selon les enseignants. Il se peut qu'un enseignant, par exemple, pour enseigner la croyance, il va choisir de commencer par tel ou tel livre. Un autre va choisir de commencer par tel ou tel livre. Et ainsi de suite. Donc, cela diffère de l'enseignant et de l'endroit où tu te trouves. Il dit ولكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit, mais ce qui réunit le bien, c'est qu'il demande l'aide d'Allah. Il rappelle l'importance de demander l'aide d'Allah. Car si Allah ne t'aide pas, tu ne pourras pas apprendre cette science. C'est que tu demandes l'aide d'Allah dans la recherche de la science héritée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelle science que l'on recherche ? Celle qui est héritée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les prophètes, ils n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham. Ils n'ont pas laissé d'argent en héritage. Mais ils ont laissé quoi ? La science. Celui qui prend une part de cette science, il a certes saisi une part prospère, une part bénéfique, une part dont il va profiter ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est ce qui est visé ici par la science dont parle Cheikh l'Islam, rahimahullah, la science religieuse héritée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يُسَمَّ عِلْمًا » Il dit « C'est cette science qui mérite d'être appelée ilm, d'être appelée science, la science héritée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » وَمَا سِوَاهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عِلْمًا فَلَا يَكُونُ نَافِعًا. Il dit autre que cela, c'est peut-être une science, mais elle n'est pas profitable. إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ عِلْمًا وَإِنْ سُمِّيَ بِهِ. Comme la philosophie par exemple. Elle est appelée science, mais ce n'est pas de la science en réalité. C'est de l'égarement. Ou d'autres choses qui sont appelées science et qui en réalité ne font pas partie. Mais la vraie science, c'est la science héritée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا إِنْ كَانَ عِلْمًا نَافِعًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي مِيرَاثِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا يُغْنِي عَنْهُ مِمَّا هُوَ مِثْلُهُ وَخَيْرٌ مِّنْهُ. Écoutez ce qu'il dit, rahimahullah ta'ala. S'il y a une science qui est profitable, alors il est inévitable que tu la trouves dans l'héritage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu trouveras dans l'héritage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qui te permettra de te passer d'autre que cela, parmi ce qui est égal ou meilleur que cette science. À titre d'exemple, Parmi les choses qui commencent à se propager au sein de la communauté, le fait de rechercher par exemple des méthodes d'éducation autres que celles que nous avons reçues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On entend certains musulmans prendre des méthodes d'éducation des mécréants par exemple. L'exemple de la méthode Montessori. Ils prennent cette méthode d'une femme qui est mécréante. Ils veulent éduquer leurs enfants avec une méthode d'une femme mécréante, qui n'est pas musulmane, qui n'est pas parmi les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc qu'attendons-nous d'une telle personne? Est-ce qu'on attend le bien pour nos enfants en les éduquant avec une telle méthode? Et parmi les choses mauvaises qu'il y a dans cette méthode, le fait de laisser libre cours à l'enfant d'accomplir ce qu'il veut. Il ne faut pas le disputer. Il ne faut rien lui faire. Il faut qu'il comprenne les choses tout seul. Est-ce que c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam éduquait les enfants? Lorsqu'il a vu son petit-fils prendre une date de la zakat, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a retiré de la bouche. Il lui a dit, ne sais-tu pas que la zakat, que l'argent des biens de la zakat sont interdits à la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'était un petit enfant. Il lui a interdit, il lui a enseigné le bien. Donc l'éducation doit l'apprendre de quoi? De la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toute science, toute connaissance, il faut te dire que tu vas la trouver dans la religion de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a éclairci. Tu trouveras quelque chose d'équivalent ou quelque chose de mieux encore. Cela ne veut pas dire que l'on ne profite pas des expériences profitables que font les non-musulmans. S'il y a des sciences qu'ils ont, sur lesquelles ils ont avancé et qui sont profitables et dont les musulmans peuvent profiter, ont un intérêt pour leur religion, ils vont prendre ces sciences, ils vont en profiter pour quoi? Pour les musulmans, pour l'intérêt des musulmans et pour l'intérêt de l'islam. Et pour revenir à cette méthode, la méthode Montessori, si par exemple la personne elle se contente de prendre les objets dont elle se sert, etc. Il n'y a pas de mal en cela. Ce qui est interdit et réprouvable, c'est quoi? C'est de se baser sur toute la méthode et de délaisser la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en termes d'éducation des enfants. Et ceci n'est qu'un exemple. Ceci n'est qu'un exemple. Il y a d'autres domaines où malheureusement, au sein de la communauté, on est touché par des personnes qui sont parties chercher les choses en dehors de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors que la sunna comprend ce qui est bien meilleur que cela. Il dit, وَلْتَكُنْ هِمَّتُهُ فَهْمَ مَقَاسِدِ الرَّسُولِ sallallahu alayhi wa sallam fi amrihi wa nahyi wa sa'iri kalamihi. Il dit, et ce qu'il recherche, ce à quoi il doit donner de l'importance, cela doit être de comprendre ce que visait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses ordres, dans ses interdictions et ses autres paroles, c'est-à-dire les informations qu'il nous a transmises. Tu dois chercher à comprendre qu'est-ce que visait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour cela. فَإِذَا اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ أَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَعْدِلْ عَنْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا مَعَ النَّاسِ. Il dit, rahimahullah, et si son cœur s'apaise quant au fait que ceci est ce que visait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son cœur est apaisé quant à cela, alors il ne doit pas le délaisser. Que ce soit ce qui concerne sa relation avec Allah ou alors sa relation avec les gens. Il ne doit délaisser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la parole de personne parmi les gens. Pas même Abu Bakr et Umar, radiallahu ta'ala anhumah, les plus savants de la communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu ne dois la délaisser ni pour la parole d'un compagnon, ni pour la parole d'un imam, ni pour la parole d'un savant, et encore moins pour la parole d'un charlatan ou d'un présentateur télé ou autre personne parmi ceux qui égarent les gens et qui parlent à notre époque de la religion. Tu as la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu dois t'y accrocher et ne pas la délaisser. Que cela concerne ta relation avec Allah ou ta relation avec les gens. Il dit, إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكِ, s'il en a la possibilité. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. S'il y a des choses dont il n'a pas les capacités réelles, alors il est excusé pour cela, mais il doit faire des efforts pour accomplir ce qu'il peut. وَلْيَجْتَهِدْ أَنْ يَعْتَصِمَ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِأَصْلٍ مَأْثُورٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et qu'il fasse des efforts pour s'accrocher dans chaque domaine de la religion, dans chaque domaine de la science, à une base rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire chaque chose que tu accomplis pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois regarder si elle a une source provenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ceci est une source dans la sunna? Yarhamukallah. Tu dois faire des efforts pour cela, pour rechercher cela. Tu dois donc rechercher la science et rechercher ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. Il dit, s'il y a une chose qui est confuse pour lui, parmi les choses sur lesquelles les gens divergent. Les gens vont diverger, ceci est inévitable. Il recherche la vérité, alors qu'il invoque par ce qui est rapporté par Muslim, rahimahullah, d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit pour prier, qu'est-ce qu'il disait ? Allahumma rabba Jibril, wa Mikail, wa Israfil, fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghayb wa shahada, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ô Allah, Seigneur de Jibril, de Mikaïl et d'Israfil, Créateur des cieux et de la terre, connaisseur et grand savant de ce qui est imperceptible et de ce qui est vu, c'est-à-dire de ce qui est fait en public et de ce qui est fait en secret. C'est toi qui juges entre tes serviteurs sur ce quoi ils divergent. C'est-à-dire que le jugement, il revient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Guide-moi vers la vérité par ta permission au sujet des choses sur lesquelles les gens ont divergé. C'est toi qui guides qui tu veux sur le droit chemin. Donc ceci est une invocation très importante que Shir al-Islam, rahimahullah ta'ala, il rapporte dans nombreux de ses ouvrages. Lorsque la personne, elle ne sait plus où se trouve la vérité, les gens divergent, elle ne sait plus où tourner de la tête. Elle écoute des gens qui disent ceci, des autres qui disent cela. Il invoque Allah sincèrement pour qu'Allah le guide sur le droit chemin. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ فِمَا رَوَّهُ عَنْهُ رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتْ فَاسْتَهْدُونِ أَهْدِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, dans ce qui est rapporté par son messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans le hadith al-Qudsi, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. C'est-à-dire que la base, c'est quoi pour l'homme ? L'écarement. Il n'est guidé que qui ? Celui qu'Allah a guidé. Demandez-moi donc de vous guider, et je vous guiderai. Tu demandes la guider à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider sur la vérité, et de te raffermir sur celle-ci jusqu'au jour de sa rencontre. Donc, Cheikh l'Islam, rahimahullah, comme pour les autres questions, il a commencé par une petite introduction à ce sujet, au sujet de la science. Ensuite, il dit, « Ama wasful kutub » والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه وتعالى. Il dit, quant au fait de mentionner les livres et les auteurs, alors il a été écouté de moi lors de la mudhakara, c'est-à-dire lors de ses cours, lors de ses assises, ce qui a été facilité par Allah. C'est-à-dire, il lui dit de revenir à ce qu'il a écouté dans les assises auxquelles il a assisté. Shir al-Islam, rahimahullah, il a mentionné des livres, des auteurs, etc. Il dit, وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. Il dit, je ne connais pas de livre écrit et trié en chapitre un livre plus profitable que l'authentique de Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire le livre le plus authentique après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Bukhari, rahimahullah, il a écrit ce livre et il s'est imposé comme condition de n'y mettre que des hadiths authentiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, ce livre est le livre le plus profitable, car c'est celui qui est le plus authentique après le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, « لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى. » Il dit cependant, seul, il ne suffit pas pour connaître les bases de la science. Et pour atteindre l'objectif, pour celui qui souhaite approfondir ses connaissances dans les différents domaines de la science, car il est indispensable de connaître d'autres hadiths qui ne sont pas mentionnés dans le Sahih d'Al-Bukhari. Il dit, « Wa kalamu ahli al-fiqh wa ahli al-ilm fil umur allati yakhtassu bi'ilmiha ba'du al-ulama wa qad aw'abat al-umma fi kulli fannin min funun al-ilm » Il dit ensuite, il est important aussi de revenir aux paroles des gens du fiqh, c'est-à-dire les gens de science. Les gens de science dans les choses sur lesquelles ils se sont spécialisés. Et c'est-à-dire ici, Shir al-Islam, rahimahullah ta'ala, il nous indique le fait qu'il y a des savants qui se sont spécialisés dans des domaines. Il y a des savants qui sont spécialisés dans le hadith, il y a des savants qui sont spécialisés dans la langue arabe, d'autres qui sont spécialisés dans la aqida, etc. Et il dit, la umma, la communauté, elle a approfondi l'ensemble des sciences, l'ensemble des domaines de la science. Donc tu reviens pour chaque sens, en priorité à qui ? Aux savants spécialisés sur ce sujet. Tu reviens pour chaque science, au savant qui est spécialisé sur ce sujet, ceci est une chose connue auprès de gens de science. Il dit ensuite, rahimahullah, فَمَنْ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ هَدَاهُ بِمَا يَبْلُغُهُ مِنْ ذَلِكَ. Il dit, et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a illuminé le cœur, alors il va le guider par ce qui lui parvient parmi cela. C'est-à-dire ce qui lui est parvenu parmi le livre mentionné comme Sahih al-Bukhari, ou les paroles des gens de science, et ainsi de suite parmi la science héritée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah il a illuminé son cœur par une partie de cela, le simple fait qu'il a atteint et qu'il a réussi à obtenir une part de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le guider par cela. وَمَنْ أَعْمَاهُ لَمْ تَزِدْهُ كَثْرَةُ الْكُتُبِ إِلَّا حِيرَةً وَضَلَالًا. Il dit, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a aveuglé. Le grand nombre de livres, cela ne lui rajoutera qu'indécision et égarement, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, à quoi il a comparé les juifs ? Lorsqu'il a dit, وَمَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا. Il a comparé ceux qui ont porté la Torah, c'est-à-dire les juifs, à quoi ? Un âne qui porte des livres. L'âne, si tu lui mets tous les livres, le Coran, le Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, tous les livres de science, tu lui mets sur le dos, est-ce qu'il en profite ? Il n'en profite pas. Donc, Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il nous dit, celui qu'Allah, dont Allah subhanahu wa ta'ala, il a avalé le cœur, le nombre de livres, ça ne lui servira à rien. Donc, qu'est-ce que la personne, elle doit rechercher ? Si ce n'est pas le nombre de livres, en priorité, elle doit rechercher quoi ? La compréhension de ces livres et la guider de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la priorité. Ce n'est pas d'amasser des livres, de télécharger plein de cours, de regarder plein de choses, etc. Le plus important, c'est quoi ? C'est que tu comprennes cette science et que tu sois guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, la guidance ne peut être obtenue qu'en la demandant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, li Abi Labid al-Ansari rahimahullah ta'ala, awalaysati at-tawratu والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la Torah et l'Évangile ne sont-ils pas auprès des Juifs et des chrétiens? Ils ne leur sont d'aucune utilité. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit cela? Il a dit cela alors qu'il était en train d'informer ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum de la disparition de la science à l'arrivée de l'heure. Les compagnons se sont étonnés radiyallahu ta'ala anhum. Et l'un d'entre eux, il a dit, nous apprenons le Coran, nous l'enseignons à nos enfants, comment la science peut-elle disparaître ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit à ce compagnon, que ta mère te perde. Je te pensais parmi les savants des gens de Médine. Ne vois-tu pas la Torah et l'Évangile auprès des juifs et des chrétiens ? À quoi leur servent-ils ? C'est-à-dire qu'ils ont eu le livre de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne leur a été d'aucune utilité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'ont pas suivi. Et ils n'ont pas obtenu la guidée, ils n'ont pas profité de la guidée qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélée dans ses livres. Donc les musulmans, c'est la même chose. S'ils ne reviennent pas aux enseignements du Coran, aux enseignements de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne peuvent pas obtenir la guidée. Ils doivent rechercher la guidée dans ces deux sources pures et authentiques, le Coran et la sunna authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Enfin, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il termine par une invocation et il dit فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمُ أَنْ يَرْزُقَنَا الْهُدَى وَالسَّدَادِ. On demande donc à Allah, l'immense, de nous accorder la guidée et la rectitude. وَيُلْهِمَنَا رُجْدَنَا. Et qu'il nous accorde la bonne orientation. وَيَقِينَ شَرَّ أَنْفُسِنَا. Et qu'il nous préserve du mal de nos personnes. وَأَلَّا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا. Et qu'il ne fasse pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. En effet, aujourd'hui, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous a guidés à l'islam, il nous a guidés à la sunna, il nous a guidés sur la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Mais il ne faut pas croire que tu as atteint la finalité. Car l'homme, il est exposé aux troubles et aux épreuves, yarhamukallah. Il est exposé aux troubles et aux épreuves jusqu'à son dernier souffle. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur cela, et comme il a dit chez l'islam, de ne pas faire dévier nos cœurs après nous avoir guidés. وَيَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ وَرَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَوَاتُهُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ. Et c'est ainsi que termine Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala cette recommandation qui était en réponse à la question de ce noble savant Abu al-Qasim al-Maghribi rahimahullah ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de tout ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre, comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion, car certes, c'est lui qui retourne les cœurs. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran wa baraka fikum.